on Radio Dio. Bienvenue à tous, c'est parti pour Overdrive en ouverture. C'était le groupe Talisman avec cet album reçu 5 sur 5, 5 out of 5, live in Japan. Et le morceau qui ouvre ce disque, Mysterious, sur lequel on retrouve bien sûr Jeff Scott Soto et l'excellent bassiste Marcel Jacob et le guitariste maintenant Frédéric Åkesson de OPEF depuis maintenant une quinzaine d'années. Ce soir dans Overdrive, on aura de l'excellente musique et les guitaristes seront à l'honneur, puisqu'on retrouvera Fanalo qu'on a vu en première partie de Freak Kitchen la semaine dernière partout en France un peu plus tard. Et pour l'heure, ça va être le guitariste danois qui a accompagné quelques années Glenn Hughes, Soren Anderson, qui nous sort son dernier album Live in the Homeland, et ce sera le morceau. We'll be right back. Sorti sur le label Frontiers Records, vous venez d'entendre Perfect Plan avec ce Turn Up Your Radio. Il est maintenant temps de continuer avec une touche un petit peu plus heavy metal avec Mantric Momentum qui nous a sorti là aussi cet album sur Frontiers Records et ce sera un nom maintenant encore une fois à la mode avec Resilience tout de suite. To the vast abyss, swaying on the ledge, surrendering to a Judas kiss. Drifting away, the storm can take you everywhere. The path of decay, you cling on to a desperate prayer. You swim in a lake of fire. Break out before it's too late. d'entendre la chanteuse Emily Marsh qui nous sort cet album Amour Bandit sur Atom Records, et on va continuer dans le rock alternatif maintenant sur Overdrive Radio Joe. Il est quasiment 22h avec Carvan qui nous sort cet album Thousand Yard Store sur le label MNO Music, et ce sera le morceau Number One tout de suite. Les doigts crochus, les dents qui rayent le sol, un orgueil mal placé, la folie sans camisole, une ambition qui ne cesse de grandir. J'ai déjà tout acheté, je ne sais plus quoi m'offrir. Bien évidemment que le monde est trop petit pour moi. Je ne comprends pas les gens qui ne vont pas plus loin que ça. Une famille, une maison, un crédit, des raisons. Tout ça m'est inutile, ça ne procure pas d'émotion. Ah, le malheur des uns fera mon bonheur, c'est certain. Et je décide des lois qui vous pourriront la vie tant qu'elles m'arrangent moi. Je ne vois aucun souci entre tu et vous, en famille ou entre amis. Le dernier survivant aura le droit à un prix. Les gens sont tenaces quand ils volent ma place. Que voulez-vous, il faut bien que bêtises se fassent. Les plus faibles se rangent après quelques menaces, mais les plus bêtes se verront refroidis comme la glace. Je me délègue de la tristesse, c'est la même qui vous plaît. Caravan, tout de suite sur Overdrive, Radio Dio avec numéro 1 et cet album Thousand Yard Store. Maintenant dans Overdrive, ce sera au tour du Stoner avec Don Bronco tout de suite et The Ride Eternal qu'on va écouter tout de suite dans Overdrive. Il est 22h maintenant passé de 1 minute sur le 895 de Dio, toujours de l'excellente musique, cette fois un long trip stoner de presque 8 minutes. Voilà quoi ravir les amateurs du style. We'll be right back. Et maintenant, après Bronco, tout de suite, The Ride Eternal pour une longue plage musicale. On va revenir sur Fanalo, qu'on a eu la chance de voir du côté de la Rayonne à Villeurbanne semaine dernière. Ce sera le morceau New Found World, tout de suite dans Overdrive Radio Duo, pour une belle plage de musique là aussi. We'll be right back. Maintenant, au tour du chanteur allemand Dirk Schneider, bien entendu, chanteur, ancien chanteur d'Accept, Udo Dirk Schneider, qui nous revient avec son propre nom, Dirk Schneider, pour nous sortir un réenregistrement de l'album Balls to the Walls. Alors, plutôt que de le faire vraiment à la note près et l'interpréter lui-même, il a préféré inviter pas mal de copains pour chanter, bien sûr, sur cet album. Donc, on y retrouve, bien entendu, Biff Bifford, pas mal de chanteurs qui ont croisé, chanteurs de Sabaton également, chanteurs qui ont croisé son parcours et d'autres qui ont été influencés, bien entendu, par sa carrière. Et ce sera maintenant au tour de London Leverboys par, bien entendu, Dirk Schneider avec le chanteur de Saxon, Biff Bifford, en invité. Voilà qui devrait être une certaine curiosité, pourrait-on dire, même si on continuera d'écouter, bien entendu, la version originale, qui est un classique intemporel du métal allemand. Together, I was in love. Yes, London Loverboy, tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec ce classique d'Accept. On va continuer maintenant, 22h passées de 20 minutes avec In Mourning pour cet album qui est, on va dire, une réédition d'un album sorti en 2012, The Weight of Oceans. Donc. We'll be right back. death metal mélodique que ce In Mourning, A Way to Conquer the Ocean, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Et on continue avec quelque chose qui poutre pas mal, ce sera Atlas Ashes avec ce New World sur lequel on retrouve une pochette qui pourrait s'apparenter à une pierre philosophale, et ce sera le morceau Promises or Lies, tout de suite par Atlas Ashes. Voilà pour Atlas Ashes, Promises or Lies, extrait de cet album New World. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo, il est 22h passé de 30 minutes et on va passer au morceau Great Unrest par le groupe The Vice qui sort sur le label Relapse Records. Et on s'en passe à tout de suite pour une petite phase de transition dans Overdrive. I was pour le groupe The Vice tout de suite et on enchaîne maintenant dans Overdrive sur Radio Duo avec ce groupe Borgne qui nous sort son dernier album Comme une tempête en moi qui gronde sur leur dernier album et c'est du pur black metal pour une plage musicale de 8 minutes, presque 9 minutes, qui devrait quasiment nous amener vers la fin de l'émission. We'll be right back. Et maintenant, après Born et Tempête, moi qui commande, ce sera au tour de This Gift is a Curse, avec du black metal sorti sur Season of Mist, No Sun Nor Moon, tout de suite. Thank you. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se quitte au son de Kuhn qui nous a sorti cet album Odyssey sur le label Clonosphère. On vous dit à certainement la semaine prochaine du côté du 89.5 de Radio Duo pour 90 minutes du musique qui pulse. On rappelle le www.radioduo.org, www.facebook.com/overdrive-radio-duo et également les podcasts hébergés par Mixcloud. Voilà, King of Sea par Kuhn. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Thousands of lives, thousands of lives. Oh, mother, you wears wool into my soul. One day you'll call me. I will dive in the dark to see your smile, to see your smile. Oh, mother, my ship is in your hands.